Inside out over rain in out Déjà là on lève de la France qui grise dans de mes bois et déjà en avant, je suis pas différent, je vais aller de l'avant, je vois pas mon mois d'avant. Ah, un conseil. Un petit conseil de discipline pour te mouler, pour te mettre. Bambi. Reviens. Ne plus attendre. Ne plus espérer. No way. No hope. Push. Ouais, faut se mettre d'accord. Aborder des sujets sensibles pas trop aborder des sujets sensibles, pas trop de sujets. Place for me, for you. Do you want to say something? Caché, frôlant la vérité, souvent masqué, souvent. Tu vois, ils font un truc simple.